Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Premier épisode. Que voulez-vous ? Dites, que voulez-vous, Master Reed ? Je veux que vous veniez ici. Que faisiez-vous ? Je lisais. Montrez le livre. Vous n'avez pas le droit de prendre nos livres. Vous êtes une inférieure, comme maman le dit. Vous n'avez pas d'argent. Votre père ne vous a rien laissé. Vous devriez mendier et non pas vivre ici avec des enfants de gentlemen comme nous. Allez près de la porte, loin des vitrées des glaces. Emmenez Jane Eyre dans la chambre rouge, qu'on l'y enferme. Non. Vous n'avez pas honte, Miss Eyre. Frappez le fils de votre bienfaitrice, votre jeune maître. Mon maître, comment peut-il être mon maître? Suis-je une domestique? Non, vous êtes moins qu'une domestique, car vous ne gagnez pas votre vie. Vous devriez vous rendre compte, Miss, que vous êtes l'obligé de Mrs. Reed. Si elle vous abandonnait, vous n'auriez d'autre choix que d'aller à l'orphelinat. Dieu la punira. Venez, Bessie, laissons-la. Dites vos prières, Miss Eyre, quand vous serez toute seule. Car si vous ne vous repentez pas, quelque chose de laid pourrait bien descendre par la cheminée pour vous emporter. Cette chambre était froide, silencieuse et solennelle. Mr. Reed était mort depuis 9 ans, et c'est dans cette chambre qu'il avait poussé son dernier soupir, là qu'il avait été exposé en grand apparat. C'est de là que son cercueil avait été emporté, et depuis ce jour, une sorte de consécration lugubre l'avait préservé de trop fréquentes visites. Ma tête me faisait encore mal du coup que j'avais reçu. Personne n'avait réprimandé John de m'avoir frappé. Et parce que je m'étais défendue, j'étais chargée de l'opprobre général. Injuste, injuste, disait ma raison. Et la résolution montée au même diapason me suggérait quelque étrange expédient pour échapper à cette insupportable oppression. Comme de me sauver. Ou, si c'était impossible, de me laisser mourir de faim. Le jour commençait d'abandonner la chambre rouge. J'entendais la pluie battre sans relâche les fenêtres et le vent hurler dans le bosquet. Peu à peu, je devins glacée comme une pierre et tout mon courage m'abandonna. Mon humeur habituelle, faite d'humiliation, de doute et d'un sentiment d'abandon, tomba comme un drap mouillé sur les cendres chaudes de ma colère. Tout le monde répétait que j'étais méchante, et peut-être l'étais-je. Ne venais-je pas de penser à me laisser mourir de faim ? Certes, c'était là un crime, mais étais-je prête à mourir ? La crypte de l'église de Gateshead était-elle un port bien attirant ? C'était dans cette crypte que Mr. Reed était enterré, et guidé par cette pensée, je me mis à songer à lui avec une terreur croissante. Je ne pouvais pas me le rappeler distinctement, mais je savais qu'il était mon oncle, le frère de ma mère, qu'il m'avait adoptée lorsque j'étais devenue orpheline et qu'à ses derniers moments, il avait fait promettre à Mrs. Reed qu'elle m'élèverait comme un de ses propres enfants. Une intuition me vint. Je me rappelais ce que j'avais entendu dire des morts dérangés dans leur sommeil par la violation de leurs derniers désirs et revenant sur la terre pour punir les parjures et venger les opprimés. Je pensais que l'esprit de Mr. Reed, tourmenté par les maux de l'enfant de sa sœur, pouvait quitter son lieu de repos et m'apparaître dans cette chambre. J'essuyai mes larmes et étouffai mes soupirs, de peur que les témoignages d'un trop violent chagrin ne viennent éveiller une voix surnaturelle qui voudrait me consoler ou ne fasse sortir de l'ombre une face lumineuse abaissant vers moi un regard de pitié. Cette idée, très consolante en théorie, serait terrible si elle se réalisait. Et c'est de toute ma force que j'essayais de la repousser. Je relevai mes cheveux qui tombaient sur mes yeux. Je levai la tête en essayant de regarder hardiment à travers la pièce obscure. À cet instant, une lumière parut sur le mur. Était-ce, me demandai-je, un rayon de lune pénétrant par une ouverture ? Non, car cela bougeait. Tandis que je regardais, le rayon glissa vers le plafond et trembla sur ma tête. Mon cœur se mit à battre follement. Ma tête s'échauffa. Un son qui me parut un froissement d'ailes remplit mes oreilles. Je suffoquai et je courus à la porte que je secouais d'un effort désespéré. Emmenez-moi ! Laissez-moi aller à la nurserie ! Que se passe-t-il ? Souffrez-vous ? Avez-vous vu quelque chose ? Moi, j'ai vu une lumière. J'ai cru qu'un fantôme allait venir. Mais elle a crié exprès. Qu'est-ce que c'est ? Abbot et Bessie, je croyais que j'avais donné des ordres pour que Jane Eyre restât dans cette chambre jusqu'à ce que je vinsse moi-même la chercher. Miss Jane a crié si fort, madame. Laissez-la. Lâchez les mains de Bessie, enfant. Et soyez assurée que ce n'est pas ainsi que vous sortirez d'ici. C'est mon devoir de vous démontrer que vos tours ne prendront pas. Oh, ma tante, pardon. Je ne peux pas le supporter. Punissez-moi d'une autre façon, je mourrai. Silence ! Votre comportement est inadmissible. Elle me rejeta brusquement dans la chambre et m'y enferma sans plus de discours. À ses yeux, j'étais une actrice précoce. Elle me regardait sincèrement comme un mélange de passion exaspérée, d'esprit vulgaire et de duplicité dangereuse. Peu après, je dus tomber dans une sorte de crise qui me fit sombrer dans l'inconscience. Quand le nuage se dissipa, je sus très nettement que j'étais dans mon propre lit, près du feu de la nurserie. Il faisait nuit. Une bougie brûlait sur la table et un gentleman se penchait sur moi. Qui suis-je ? Je le connaissais bien. C'était Mr. Lloyd, un apothicaire que Mrs. Reed faisait quelquefois appeler lorsque les domestiques étaient malades. Pour elle et ses enfants, elle faisait venir le médecin. Nous irons tout à fait bien dans un instant. Voilà. Bessie, veillez à ce qu'on ne dérange pas cette petite pendant la nuit. Et gardez-la au chaud. Je reviendrai la voir demain. Bonsoir. Bonsoir. Miss Jane, je vais aller me coucher car il est plus de minuit. Mais vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de quelque chose dans la nuit. Bessie, qu'est-ce que j'ai ? Suis-je malade ? Vous vous êtes trouvée mal, à force de pleurer sans doute. Vous serez mieux bientôt. Bonne nuit, Jane. Avec moi dans la nurserie. Oui, je n'oserais pour rien au monde rester seule avec la pauvre enfant cette nuit. Elle pourrait mourir. C'est si drôle qu'elle ait eu cette crise. Je me demande si elle a fait quelque chose. Madame a été trop dure. Cette longue nuit passa en une insomnie lugubre, tous mes sens tendus par une de ces terreurs que seuls les enfants peuvent éprouver. L'incident de la chambre rouge ne fut cependant point suivi d'une maladie proprement dite, Mes nerfs en reçurent seulement un choc dont je ressens encore les séquelles aujourd'hui. Oui, Mrs. Reed, c'est à vous que je dois quelques crises d'angoisse qui ne se peuvent oublier. Mais je devrais vous pardonner, car vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Tandis que vous me brisiez le cœur, vous croyiez seulement combattre mes mauvais penchants. Quoi, déjà levé ? Alors, voyons. Miss Jane, vous avez pleuré. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Avez-vous mal quelque part ? Non, monsieur. Qu'est-ce qui vous a rendu malade hier ? J'ai été enfermée jusqu'à la nuit dans une chambre où il y a un esprit. Un esprit ? Allons, vous êtes encore un bébé. L'esprit de Mr. Reed. Il est mort dans cette chambre et y a été exposé. Sottise. Et c'est cela qui vous rend si malheureuse ? Avez-vous peur maintenant ? En plein jour ? Non. Mais la nuit reviendra bientôt. Et puis, je suis malheureuse. Pour d'autres choses. Quelles autres choses ? Pouvez-vous m'en dire quelques-unes ? D'abord, je n'ai pas de père, ni de mère, de frère, ni de sœur. Vous avez une bonne tante. Et des cousins. Mais mon cousin m'a frappé et ma tante m'a enfermée dans la chambre rouge. Ne trouvez-vous pas que Gatesfield Hall est une très belle maison ? Ce n'est pas ma maison, monsieur. Et Abbott dit que j'ai moins le droit d'y être qu'une domestique. Bah, vous n'êtes pas assez sotte pour désirer quitter une résidence aussi splendide. Si je pouvais aller quelque part, je serais bien contente de la quitter. Mais je ne pourrais m'en aller de Gateshead que lorsque je serai grande. Peut-être bien. Qui sait ? Avez-vous d'autres parents ? Je ne crois pas, monsieur. Personne du côté de votre père ? Je ne sais pas. J'ai demandé une fois à ma tante Reed et elle m'a dit que j'avais peut-être de pauvres parents du côté des R, des gens communs, mais qu'elle n'en savait rien. Si vous en aviez, aimeriez-vous les retrouver ? Non. Je n'aimerais pas appartenir à des pauvres. Aimeriez-vous aller à l'école ? Oui, je crois. J'aimerais bien aller à l'école. Bien, bien. Qui sait ce qui peut arriver ? Ah, Bessie. Votre maîtresse est-elle là ? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Au revoir, Jane. Au revoir. Au cours de l'entrevue qui suivit entre Mr. Lloyd et Mrs. Reed, je présume que l'apothicaire s'aventura à recommander la vie d'école pour moi, et que, comme le rapporta Abbott en discutant la chose avec Bessie dans la nurserie, Madame fut assez contente de trouver un moyen de se débarrasser d'une enfant aussi fatigante, aussi désagréable, qui avait toujours l'air d'espionner tout le monde et de comploter. Oh, la pauvre Miss Jane est bien à plaindre, Abbott. Oui, si elle était une gentille et jolie petite fille. On pourrait avoir de la compassion. Mais vraiment, on ne peut pas s'attacher à pareil petit crapaud. Novembre, décembre et la moitié de janvier s'écoulèrent. Depuis ma maladie, Mrs. Reed m'éloignait encore plus de ses enfants, me condamnant à prendre seul mes repas et à passer tout mon temps dans la nurserie, tandis que mes cousins étaient constamment au salon. Elle ne laissait pas échapper un mot qui eut rapport à mon départ pour l'école, et pourtant je sentais instinctivement qu'elle ne pourrait plus me supporter bien longtemps sous le même toit qu'elle. Son regard, lorsqu'il tombait sur moi, exprimait plus que jamais une aversion insurmontable. Voici la petite fille à propos de laquelle je me suis adressée à vous. Elle est fort petite. Quel est son âge ? 10 ans. Tant que cela. Eh bien, Jane Eyre, êtes-vous une enfant sage ? Je crois que le moins on en dira sur ce chapitre, le mieux cela vaudra, Mr. Brocklehurst. Je suis fâché de l'apprendre. Savez-vous où vont les méchants après leur mort, Jane Eyre? Ils vont en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer? Pouvez-vous me le dire? Un puits plein de feu. Et aimeriez-vous tomber dans ce puits et y brûler pendant l'éternité? Non, monsieur. Que devez-vous faire pour l'éviter? Je dois rester en bonne santé et ne pas mourir. Comment pouvez-vous rester en bonne santé? Il y a des enfants qui meurent tous les jours. J'ai enterré un enfant de 5 ans, pas plus tard qu'hier. Un bon petit enfant, dont l'âme est à présent au ciel. Il est à craindre qu'on ne puisse pas en dire autant de vous si vous étiez appelé. J'espère que ce soupir vient du cœur. Et que vous vous repentez d'avoir été une occasion de chagrin pour votre bienfaitrice. Dites-vous vos prières soir et matin? Oui, monsieur. Lisez-vous la Bible? Quelquefois. Avec plaisir? L'aimez-vous? J'aime l'Apocalypse et le livre de Daniel, et la Genèse et Samuel, et un bout de l'Exode, et une partie des Rois et des Chroniques, et Job et Jonas. Et les psaumes? J'espère que vous les aimez. Non, monsieur. Les psaumes ne sont pas intéressants. Non? Comme c'est choquant. Mr. Brocklehurst, je crois vous avoir dit que cette petite fille n'avait pas tout à fait les dispositions que je voudrais. Si vous l'admettiez dans votre école de Lowood, je serais désireuse qu'on la surveille de près. Son principal défaut est une tendance au mensonge. Je dis cela devant vous, Jane, afin que vous n'essayiez point d'en imposer à Mr. Brocklehurst. Le mensonge est un affreux défaut chez un enfant. L'humilité est une grâce chrétienne particulièrement appropriée aux élèves de Lowood. Je veille avec un soin spécial à ce que cette vertu soit cultivée. J'ai étudié les meilleures méthodes de mortification et j'ai eu l'autre jour la preuve de leur excellence. Ma fille est allée avec sa maman visiter l'école et à son retour, elle s'est écriée « Ah ! Mon cher papa, comme toutes les élèves de Lowood paraissent simples et tranquilles, avec leurs cheveux tirés derrière les oreilles et leurs longs tabliers et ces poches de toile en dehors de leurs robes, on dirait presque des enfants de pauvres. » Voici un état de choses que j'approuve entièrement. Si j'avais cherché par toute l'Angleterre, je doute que j'aurais trouvé un système qui convainc mieux à une enfant comme Jane Eyre. Vous êtes dans le vrai, monsieur. Je puis donc être assurée que cet enfant sera reçu à Lowood comme élève et y recevra une instruction conforme à sa position? Vous le pouvez, madame. J'espère qu'elle se montrera reconnaissante de l'inestimable privilège qui lui est accordé. Petite fille, voici un livre intitulé « Le guide de l'enfant ». Lisez-le en priant. Surtout la partie qui contient la mort soudaine et terrible de Martha G. Une méchante enfant qui s'adonnait au mensonge et à la dissimulation. Sortez, Jane. Retournez à la nurserie. Pas une menteuse. Si je l'étais, je dirais que je vous aime. Mais je déclare que je ne vous aime pas. C'est vous que je déteste le plus au monde, avec mon cousin John Reed. Et ce livre sur la menteuse, c'est à votre fille Georgiana qu'il faut le donner. Car c'est elle qui ment et pas moi. Qu'avez-vous encore à dire? Je suis bien contente que vous ne soyez ma parente que par alliance. Je ne vous appellerai plus ma tante aussi longtemps que je vivrai. Et quand je serai grande, je ne viendrai jamais vous voir. Et si quelqu'un me demande si je vous aime et comment vous m'avez traité, je dirai que cela me rend malade de penser à vous, et que vous m'avez traité avec la plus grande cruauté. Comment osez-vous affirmer cela, Jane Eyre? Comment j'ose, Mrs. Reed? Mais parce que c'est la vérité. Vous croyez que je ne sens rien et que je peux me passer d'affection, mais je ne peux pas vivre ainsi, et vous êtes sans pitié. Je me rappellerai toute ma vie comment vous m'avez repoussée violemment dans la chambre rouge pour m'enfermer. Je m'en rappellerai jusqu'au jour de ma mort. Je suffoquais et je criais « Pitié, tante, pitié !» Et vous m'avez puni comme cela parce que votre méchant garçon m'avait frappé. m'avez jeté par terre pour rien. Je le dirai à tous ceux qui me poseront des questions. On croit que vous êtes bonne, mais vous êtes méchante. Vous avez un cœur dur. Jane, vous vous trompez gravement. Qu'avez-vous, mon enfant? Pourquoi tremblez-vous ainsi? Jane, vous ne comprenez pas ces choses. Les enfants doivent être grondés pour leurs défauts. Mentir n'est pas mon défaut. Mais vous êtes emportée, Jane, vous le savez bien. Et maintenant, retournez à la nurserie. Voilà une bonne petite. Et reposez-vous un peu sur votre lit. Je ne suis pas votre bonne petite, et je ne veux pas me reposer. Envoyez-moi vite à l'école, Mrs. Reed, car j'ai horreur de vivre ici. Dans un jour ou deux, et vous allez choisir les joujoux que vous voulez emporter. Bessie, il faut me promettre de ne plus me gronder jusqu'à mon départ. Eh bien, je le promets, mais il faut être très sage et ne pas avoir peur de moi. Ne sursautez pas quand il m'arrive de parler un peu fort, c'est si agaçant. Je crois que je n'aurai plus peur de vous, Bessie, parce que je suis habituée maintenant. J'aurai bientôt d'autres gens à craindre. Si vous les craignez, ils ne vous aimeront pas. Comme vous, Bessie? Je ne vous déteste pas, Miss. Je crois même que vous êtes ma préférée. Est-ce qu'elle s'en va toute seule? Oui. Est-ce loin? À 50 miles. Mon Dieu. Je me demande comment madame n'a pas peur de l'envoyer toute seule à une pareille distance. Oh! Donnez-moi cette malle. Au revoir, Miss Jane. Adieu, Bessie. Prenez-en bien soin. Oui. En route. Hop, hop. C'est ainsi que je fus jetée vers des régions inconnues que je m'imaginais distantes et mystérieuses. Je ne me rappelle guère du voyage. Je sais seulement qu'il me parut d'une longueur anormale. Nous traversâmes plusieurs villes. Lorsque le crépuscule arriva, je commençais à trouver que nous étions vraiment loin de Gateshead. Le paysage changea. De hautes collines grises s'arrondirent sur l'horizon, et comme la nuit venait, nous descendîmes dans une vallée assombrie par des bois dont j'entendis un vent furieux secouer les arbres. Bercé par ce bruit, je finis par m'endormir. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Premier épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Johanna Nizar, Jean-Claude Frissung, Laurent Cléry, Marie Bouvier, Marie-Céline Tuvache, Pauline Ziadé, Pauline Belle et Justin Blancard. Et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Moussin, Vivien Demeyer, Juliette Emmanuel.